many years you have won many things. Depuis plusieurs années, vous avez porté beaucoup de choses. But now, mais maintenant, clothe yourselves with Christ Jesus. Revêtez-vous de Jésus Christ. That means, ça veut dire, cover yourselves with the blood of Jesus. Couvrez-vous par le sang de Jésus Christ. Melchizedek's day. Le jour de Melchizedek is known as the day of life. Est connu comme étant le jour de lumière. The God we serve. Le Dieu que nous servons is a God of light. C'est le Dieu de lumière. He hates darkness. Il hait ténèbres. So when the evening comes, quand le soir arrive, he says, il dit, begin to tend the lamp. Commencez à entretenir les lampes. Tending means, entretenir veut dire, I am not going to fall asleep. Je vais pas m'endormir. I will be adding. I check the oil and add. Je vais vérifier, ajouter de l'huile et ajouter. Have you tended the lamp of God in your life? Avez-vous entretenu la lampe de Dieu dans votre vie? As we're standing, nous allons sans plus tarder, without any further ado, nous allons recevoir l'homme de Dieu, you will receive the man of God, le prophète David Howard, prophet David sous Howard. Vos acclamations. Thank you. you. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you, the worship team. Merci à l'équipe de la chorale. Let us pray right away. Prions immédiatement. Mighty Father in heaven. Puissant Père dans les cieux. The Father of all creation. Le Père de toute création. The God of Elijah and Moses. Le Dieu d'Élie et Moïse. Lord, you can see tonight. Père, tu peux voir ce soir. Tonight we are gathered here. Ce soir nous sommes rassemblés ici. As we await the coming of the Messiah. Comme nous sommes en train d'attendre la venue du Messie. We have seen everything. Nous avons dit toutes choses. And heard everything. Nous avons entendu tout. But now we are waiting for the coming of the Messiah. Maintenant nous attendons pour la venue du Messie. So please help us. S'il te plaît, aide-nous. Help this church. Aide cette église. I can see you have separated this church. Je peux voir que tu as séparé cette église from the world. Du monde. The world of churches. Le monde des églises. And you have now sanctified this church. Et maintenant tu as sanctifié cette église. By the flow of your anointing. Avec le flot de ton onction. By the strength of your word. Avec la force de ta parole. Please bring favor unto everybody here. S'il te plaît, répands ta faveur sur chacun en ce lieu. And bless their hearts, Jehovah. Et bénis leur cœur, Jehovah. No matter their condition. Peu importe leur condition. The condition of their situation. La condition de leur situation. Whether they are students, même s'ils sont des étudiants, and whether they are looking for school fees, même s'ils cherchent le minerval pour l'école, whether they are in marriage that is shaken, même s'ils sont dans un mariage qui est secoué, there is infidelity, et même il y a de l'infidélité, whether they are lacking funds, même s'ils manquent de l'argent. No rent. Ils n'ont pas d'argent pour louer leur maison. No job. Ils n'ont pas de travail. Father, I decree today at this place. Père, je déclare aujourd'hui en ce lieu. Whether they are sick. Même s'ils sont malades. Oppressed. Ou bien sont oppressés. No matter the situation. Peu importe leur situation. Today I decree a special door. Aujourd'hui, je déclare une porte spéciale into each one of their lives. Dans la vie de chacune de ces personnes. That you may now visit them again. Afin que tu puisses encore maintenant les visiter. Establish them. Les établir. Restore them. Le restaurer. And bless them. Et les bénir. In this land. Dans ce pays. That many may see. Afin que plusieurs voient. The approval of your hand. L'approbation de ta main. In their lives. Dans la vie. They may be drawn to Jesus. Afin qu'ils soient attirés à Jésus. Father, I ask you today. Père, je te demande aujourd'hui. To position a basket in their home. De positionner un panier dans leur maison. That they may never be put to shame. Afin qu'ils ne soient pas mis en honte. That they may never lack. Afin qu'ils ne manquent jamais. Even spiritually. Même spirituellement. You will fill them. Tu vas les remplir. The mighty name of Jesus. Dans le puissant nom de Jésus. Amen. Amen. And amen. Amen. Thank you so much. Merci beaucoup. You can now get seated. Vous pouvez vous asseoir maintenant. In the mighty presence of the Lord. Dans la puissante présence du Seigneur. I want to say that it's been a big blessing. Je voulais dire que ça a été une grande bénédiction. To come to Canada. De venir au Canada. At this very, very critical time. À ce moment très, très critique. Very, very important time. Un temps vraiment important. In the history of the church. Dans l'histoire de l'église. In the life of the church. Dans la vie de l'église. And I want to begin by saying, je vais commencer en disant, that indeed I am blessed. En fait, je suis béni. To see that there is hope. De voir qu'il y a de l'espoir. There is hope in Canada. Il y a de l'espoir au Canada. At this time, à ce temps-ci, we do not know what will happen at any time. Nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver à n'importe quel moment. That's why it's very, very important at this hour. C'est pourquoi c'est très important cette heure-ci. That we hear this message of the Lord. Que nous puissions entendre ce message du Seigneur. And prepare in the right way. Et nous préparer de la bonne manière. For the coming of the King. Pour la venue du roi. I want to thank you for standing strong for the Lord. Je voulais vous remercier de vous tenir fermement debout pour le Seigneur. This is the hope for Canada. Ceci c'est l'espoir pour le Canada. The way you stand. La manière que vous êtes debout. Is the hope for this nation. C'est l'espoir pour cette nation. Because you see, he sent me. Parce que vous voyez, il m'a envoyé. And he sent me to you. Et il m'a envoyé vers vous. There are many churches out here. Il y a beaucoup d'églises en dehors ici. Where he could have sent me. Où il pouvait m'envoyer. But he sent me here. Mais il m'a envoyé ici. So something tells me that the favor of the Lord is in this place. Alors quelque chose me dit que la faveur de Dieu est à cet endroit. Hallelujah. Alléluia. And for that, pour cela, I want to bless the Lord forever. Je vais continuellement bénir le Seigneur. Yesterday, hier, we saw a very, very important message. Nous avons vu un message très, très important. On the timeline of the Lord. L'agenda du temps de Dieu. The timeline. L'agenda du temps de Dieu. Towards the coming of the Messiah. Jusqu'à la venue du Messie. Now these are secrets that the Lord has confided in me about. Ça, ce sont les secrets que Dieu a mis cela en moi. That I may share with you people when the time is right. En fait, que je partage avec vous le peuple quand le temps est permis. I want to share something that is coming in this area. Je vais partager sur quelque chose qui va arriver dans cette région ici. I see distress coming. Je vois une détresse arriver. I see a tremendous distress coming. Je vois une grande détresse venir. To North America. En Amérique du Nord. And specifically to the United States. Et particulièrement aux États-Unis d'Amérique. So, the Lord has spoken with me about a very, very serious distress. Le Seigneur m'a parlé de ça, une grande, très, très sérieuse détresse. That is coming to the United States of America. Ça vient aux États-Unis d'Amérique. And by voice I heard. Alors par la voix j'ai entendu. That I had Philadelphia. J'ai entendu Philadelphie. So it may happen in Philadelphia. Ça peut arriver à Philadelphie. I see a very tall building with a lot of smoke. Je vis un grand building avec beaucoup de nuages, beaucoup de fumée. Beaucoup de fumée. I don't know whether it's going to be like what happened in September 11th. Je sais pas si ça va être comme ce qui s'est passé au 11 septembre. But I have seen it. Mais je l'ai vu. I've seen a tremendous distress coming. J'ai vu une détresse terrible arrivée. Coming to the United States of America. Venant aux États-Unis d'Amérique. And by voice, I think I had a reportage. That was normally he makes me hear that how it's going to be reported. Il m'a fait entendre le reportage. J'ai entendu le reportage. And I heard Philadelphia. Et j'ai entendu Philadelphia. Philadelphie. Philadelphia is a city. C'est la ville de Philadelphia aux États-Unis d'Amérique. And then I saw a tall building. I see smoke coming. Il y avait un grand building et je voyais beaucoup de fumée sortir de ce building. Why does the Lord speak to me about these things? Pourquoi est-ce que le Seigneur me parle de ces choses? Because number one. Premièrement, parce que these are the days of distress. Ce sont les jours de détresse. Number two. Deuxième point. That if we will cry to the Lord. Pour que si nous crions au Seigneur. He may stop them. Il peut arrêter cela. Hallelujah. Amen. So the Lord is loving the land. Le Seigneur aime le pays. He's showing me before it happens. Il me montre ces choses avant que cela n'arrive. That I may call the nations to prayer and crying and repentance to the Lord. Afin que je peux appeler les nations pour pleurer, pour se repentir et implorer le Seigneur. Again, I see a tremendous distress. Encore, j'ai vu

That church, cette église là, is the bride of Christ. Cette église là est l'épouse du Christ. And that's why he speaks protection over her. C'est pourquoi il parle de protéger cette église. And I said, my standing here and speaking it to you. Et j'ai dit la ma raison d'être ici de vous le dire. It means the Lord is asking you to make sure that you comply with that requirement. Cela veut dire que le Seigneur vous demande de vous ajuster à ces recommandations. So in everything that has been said, sur tout ce qui a été dit, walk in holiness. Marchez dans la sanctification. Surrender sexual lust. Abandonnez les convoitises sexuelles. Surrender sexual pornography. Abandonnez les sexualités de pornographie. Surrender deception. Abandonnez la séduction. And you'll ask yourself, but how can a man live like that? Vous allez vous poser la question, mais comment un homme peut vivre comme ça? So he's now saying. Il dit maintenant. That please surrender it to the Holy Spirit. Abandonnez cela au Saint-Esprit. Surrender yourself to the Holy Spirit. Abandonnez vous-même au Saint-Esprit. And I want to share some few visions before I finish with that part. Je vais partager quelques visions avant que je finisse avec cette partie. And today I want to look a little bit at the war, the nuclear war coming to Iran. Maintenant, je vais parler un peu de la guerre nucléaire qui arrive en Iran. And the relevance of that war in defining the time. Et la raison de cette guerre pour définir le temps dans lequel nous sommes. Even speaking about the coming of the Lord. Même parlant de la venue du Seigneur. But before I do that, mais avant de le dire, I want to emphasize to you how much time is over. Je vais vous insister pour vous combien il y a plus de temps. It was in the month of May. C'était le mois de mai. 11th night, May. Le soir du 11 mai. After we finished a meeting like this in Paris, in France. Quand nous avons fini une réunion comme ceci à Paris, en France. 2009. En 2009. Now the 12th morning. Le matin du 12. 11th May, 12th in the morning. Le 11 mai le matin. At about 3 o'clock in the night. C'était au travers de 3 heures de nuit. I saw the visions of the Lord. J'ai vu la vision du Seigneur. And in that vision. Dans cette vision, the Lord, there was light shining from heaven. Il y avait de la lumière qui flashait du ciel. And I was walking on a path. Et j'ai marché sur un chemin. And the light made the path very clear so I could see the rocks and avoid them. Et la lumière faisait que le chemin était tellement éclairé pour que je voie les rocs que je puisse les éviter. And as the light was shining, et comme cette lumière brillait, then all of a sudden I heard. Et soudainement j'ai entendu. A voice speak from heaven. Une voix qui a parlé du ciel. And the voice said. Et la voix a dit. Look and see. Regarde et vois. What has fallen. Qu'est-ce qui tombe. At your feet. À tes pieds. But because of the tremendous voice of the Lord. Mais à cause de la voix terrible du Seigneur. Instead of looking at my feet. Au lieu que je regarde à mes pieds. Instead I was shocked. J'étais choqué. And so I looked up. Et j'ai regardé au ciel. When I looked up. Quand j'ai regardé au ciel. There was so much light. Il y avait tellement de lumière. And then I saw a piece of paper. Et j'ai vu un morceau de papier. That came from up like a kite. Qui descendait comme une caille. You know the way kites go. Vous savez comment les cailles vont? Yes, so it's called kite. Le cerf-volant. Yes, thank you so much. Like a kite. Comme un cerf-volant. It came like a kite. Il venait comme un cerf-volant. That children play with. You see? Avec lequel les enfants jouent. And this is how it fell. Regarde comment il tombait. Like that. Il tombait comme ça. And then it fell on my right foot. Et puis c'est tombé à mon pied droit. Right on my right foot. Exact là à mon pied droit. And then I picked it. Alors j'ai ramassé le papier. In that vision. Dans cette vision. And so when I picked it. Et quand je l'ai pris. Then I realized. Et j'ai réalisé. That it was a glorious piece of paper. C'était un papier glorieux. On which there was writing. Sur lequel il y avait des écritures. It was handwritten. C'était écrit à la main. Written by hand. Écrit à la main. And when I looked at it further. Et quand j'ai regardé plus loin. I realized it was written three times. J'ai réalisé que ça est, sur ce papier était écrit trois fois. Like the first one. La première écriture. The second in the middle. La deuxième au milieu. And the third one at the bottom. Et le troisième à la fin. And so I began to read the writing. Alors j'ai commencé à lire l'écriture. Inside that vision. Dans cette vision même. And the writing was in blue ink pen. Blue, et with by hand, blue ink. L'écriture était écrite dans l'encre bleue. By pen. C'est écrit à la main. And so when I read the first one, quand j'ai lu la première écriture, it said, il disait, I am coming. Je reviens. The first one. La première. When I read the second one, quand j'ai lu le second, it said, il disait, the middle one now, the middle. Celui qui est au milieu. It said, I am coming. Il dit, je reviens. When I read the third one, quand j'ai lu le troisième, this is what it said. Écoutez ce qu'il disait. I am coming. Je reviens. Says the Lord. Dit le Seigneur. You see? And then I want to share a second one. Alors je vais partager une deuxième. Before I describe this. Avant de décrire pour vous celui-ci. I don't know whether it's 2010. Je sais plus si c'était en 2010. I fell asleep again. Je dormais encore. And in that sleep, I saw the vision of the Lord again. Et en dormant, j'ai encore vu la vision du Seigneur. And there was a piece of paper. Et il y avait un morceau de papier. A hand. Sur une main. His hand. Sur sa main. A piece of paper that he, as I slept, he brought close to me like this. Et comme je dormais, il a tenu un morceau de papier, il a tiré ça près de moi comme ça là. And so I began to read it as he brought in et that vision. Comme il approchait cela dans mon visage, j'ai commencé à lire l'écriture. What was written on that piece of paper? Qu'est-ce qui était écrit sur ce morceau de papier? What was written said? Ce qui est écrit disait Melchizedek's day. Le jour du Melchizedek. Very good. Melchizedek's day. Le jour de Melchizedek is known as the day of light. Est connu comme le jour de lumière. Hallelujah. Amen. So I want to discuss a little bit of this. Je vais discuter un peu de ça. And then we can now move to the other aspect and then the war in Iran. Alors nous allons aller dans d'autres aspects et puis après sur la guerre en Iran. Blessed are the ears that hear this. Que les oreilles qui entendent cela soient bénies. Blessed is the church that gets to hear this. Que l'église qui écoute ces choses soit bénie. Hallelujah. Amen. Because then you see very clearly. Alors vous voyez clairement that the Lord is speaking. Que le Seigneur parle. In fact, you remember you are the one who brought me to Paris. C'est vous qui m'avez amené à Paris. To Pastor Monquet's church. À l'église du Pasteur Monquet. After that meeting, in the night before we left. Après la réunion la nuit avant qu'on quitte. That is when the note I am coming. Là où j'ai vu la note je reviens. But what is the message the Lord is giving to the church? Mais quel est le message que le Seigneur donne à l'église? I think it looks pretty obvious. Je pense que c'est très évident that the Lord is saying he is coming. Que le Seigneur dit qu'il revient. But then I'm always interested in going into the Bible. Alors je suis toujours intéressé d'aller dans la Bible. To dig it further. De creuser un peu plus profondément. What is the underpinning? What is the underlying message? Quels sont les messages cachés dans cela? And so I found in several scriptures where the Lord said he is coming. Alors j'ai trouvé qu'il y a plusieurs écritures où le Seigneur dit je reviens. And therein was the instruction to you, the church. Alors ce sont les instructions pour vous, l'église. And then we can turn to the book of Revelation. On peut aller dans les livres d'Apocalypse. Revelation chapter 22. Apocalypse chapitre 22. The last chapter. Le dernier chapitre. Revelation chapter 22. Apocalypse chapitre 22. We will begin with verse 7. Nous allons commencer avec le verset 7. It says, behold, I am coming soon. Voici, je reviens bientôt. Blessed is he who keeps the words of the prophecy in this book. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. And so right away you see the instruction the Lord is giving to the church from that note. Oh, immédiatement vous voyez l'instruction que le Seigneur donne à l'église à partir de cette note. That if I am coming already. Alors si je reviens bientôt. Have you really kept the words of prophecy of this book? Avez-vous gardé la parole de la prophétie de ce livre? Have you kept the instructions avez-vous of this book? Gardez les instructions de ce livre. One of the instructions says, l'une des instructions dit, that I tell you the truth. En vérité, je vous l'ai dit, flesh and blood, la chair et le sang, will not inherit the kingdom of God. N'hériteront pas le royaume de Dieu. Neither will the perishable. non plus ce qui est périssable. Inherit the imperishable kingdom of God. Peut hériter l'impérissable qui est dans le royaume de Dieu. And he says the corruptible. Et puis les corruptions. Will never inherit the incorruptible kingdom of God. Ne peut pas hériter le royaume de Dieu incorruptible. And he says the mortal. Il dit les mortels. Will not inherit the immortal kingdom of Jehovah. Ne peut pas hériter le monde de Dieu immortel. And so it is already an indictment to our Christianity. Alors c'est déjà un fondement pour notre chrétienté. It is already it's already a rebuke to our salvation. En fait, c'est une réprimande à notre salut. Because this is a prophecy coming from that book. Parce que ça, c'est une prophétie qui vient de ce livre. That when that day arrives. Pour que quand ce jour arrive. Then the perishable. Alors ce qui est périssable. The mortal. Le mortel. The corruptible. Le corruptible. Will not inherit the eternal kingdom of God. Ne peut pas hériter le royaume de Dieu éternel. And so the question then to you is this. Alors la question pour vous est celui-ci. Have you converted? Have you transformed your lives? Avez-vous transformé votre vie? From a mere mortal living. Dans la manière de vivre des mortels. When you look at your news, you look at your news with physical eyes. Quand tu regardes aux nouvelles, tu regardes aux nouvelles avec tes yeux physiques. When you live with a physical being. Quand tu vis avec une nature physique. Have you transformed your life from there? Avez-vous transformé votre vie de là? And now you look at things with spiritual eyes. Et comme ça, vous commencez à voir les choses avec les yeux spirituels. Spiritual lenses. Avec les lentilles spirituelles. When you see the distress. Quand tu vois la détresse. Oh, let me prepare for the Messiah. Tu dis, ah, laisse-moi me préparer pour le Messie. It tells me the Messiah is coming. Ça me dit que le Messie arrive. How are you living your life? Comment vivez-vous votre vie? I know you live in a post-modern Canada. Je sais que vous vivez dans un Canada post-moderne. The roads are very smooth. Les routes sont très bien faites. When we come, we like it. Quand nous sommes arrivés, nous avons aimé ça. Very, very, no potholes. Il n'y a pas de trous sur la route. No potholes. So I say, wow, this is excellent road. J'ai dit, oh, ça, ce sont les routes excellentes. Because the road in Kenya, most of them have potholes, right? Parce que au Kenya, les chemins sont troués par-ci par-là. And so the question is. Alors la question est. Should you have potholes? Est-ce que vous devez avoir les trous dans les rues? And have revival? Et avoir le réveil? Or you should have a clean road? Ou avoir des routes bien faites? And miss the kingdom of God? Manquer le royaume de Dieu? I am just asking. Je pose seulement la question. I'm just asking about this note. Je pose seulement la question par rapport à cette note. I think somebody says we should have both clean roads and revival. Quelqu'un dit il faut avoir les routes bonnes avec le réveil. Hallelujah. Amen. And so the Lord says. Le Seigneur dit. That we need to have been transformed. Nous avons besoin d'être transformés. From physical, corruptible, mortal, perishable living. De la vie physique mortelle corruptible. To incorruptible. À la vie incorruptible. Find out what is in your life. Regardez qu'est-ce qui est dans votre vie. What is it that is corrupting your salvation? Qu'est-ce qui est en train de corrompre votre salut? Look at your life. Regarde à votre vie. What is the decay in your life? Quelle est la pourriture dans votre vie? Is there anything that is bringing decay to you? Est-ce qu'il y a quelque chose qui amène la pourriture dans votre vie? And shed it away. Et enlève cela. I like to give this example. J'aime donner cet exemple. That when I lived in Israel. Quand je vivais en Israël, where the Lord called me from, d'où le Seigneur m'avait appelé, I used to witness before the Pesach. J'allais souvent au temps de la Pâque. Oui, Pesach. La Pâque. In French, right? Oui. Before the Passover, right? Oui. La you. Semaine avant la Pâque. Yes, I used to witness before the Pesach arrives. Avant que la semaine de la Pâque arrive. They used to throw a lot of good things in the garbage. Ils jetaient beaucoup de bonnes choses à la poubelle. The TVs. Les télévisions. The computers and things. Les ordinateurs. Chairs. Les chaises. They threw those things. Ils jetaient ces choses-là. And then I asked one day. Et puis un jour, j'ai posé la question. I asked one of the professors there. J'ai posé la question à un des professeurs là-bas. I asked him, why do you waste a lot of things, good things like this? Je me lui ai posé, comment vous gaspillez beaucoup de bonnes choses comme ça? He was called Aaron Avivi. Il s'appelait Aaron Avivi. And he told me. Il m'a dit. That Moses gave us an instruction. Moïse nous a donné une instruction. That we should observe this to remember how Jehovah removed us from Egypt. Que nous devons nous rappeler de ceci. comment l'Éternel nous a sortis de l'Égypte. And we should pass it on to our children and their children and their children. Nous devons passer cela à nos enfants, aux enfants des enfants de nos enfants. And he said, when the first dinner is going to take place in that 1 week. Et dans cette semaine sainte, quand le premier dîner doit commencer. If you go to the shops, you find that where bread was sold, they cover with. Seal it, they seal it. Vous allez quand là où on vend le pain, vous allez voir qu'ils ont tout couvert, tout est fermé. And there's no bread there to buy. Il y a même pas de pain pour acheter. And if you go to the homes, you find they have cleaned out the kitchen, they've thrown those things in the garbage. Et quand vous allez dans la cuisine, vous allez voir ils ont nettoyé la cuisine, ils ont jeté toutes ces affaires dans la poubelle. Because the instruction is. Parce que l'instruction est celui-ci. That when the midnight hour arrives. Quand l'heure de minuit arrive. Let no yeast be found in your home. Qu'il n'y ait pas de levure dans votre maison. And if you've been baking on a table or on something, however expensive, you just get rid of it. Et si tu faisais du pain sur une table, peu importe le prix de cette table, tu dois jeter cela. So my question to you is this. Alors ma question pour vous est la suivante. If they could throw even the most treasured, the most expensive things. S'ils peuvent jeter loin même les choses les plus précieuses. Just to be able to make sure that no yeast be found at midnight. Pour être sûr que il n'y a même pas de levure dans leur maison à minuit. Computers, what? Les ordinateurs, toutes les choses qui sont là. How about you? Qu'en est-il pour vous? What lesson can we learn from there? Quelle leçon pouvons-nous apprendre de cela? The Lord is saying, we are waiting for the midnight hour now. Le Seigneur dit, maintenant nous attendons l'heure de minuit. Maybe it's a nice necklace given by or a watch given by a girlfriend also the other side. Oh, peut-être c'est une montre bien une qui a été donnée par une copine. The Lord says. Le Seigneur dit. I am coming. Je reviens. And the instruction from the Bible. Et l'instruction de la Bible. Is that we have to observe the word of this book of prophecy. Et que nous devons observer les paroles de ce livre de la prophétie. When he says, I am coming. Quand il dit, je reviens. And yet the Bible says that the corruptible will not see the eternal kingdom. La Bible dit que les corruptibles ne rentreront pas dans l'incorruptibilité. I'm sharing with you the depth of the heart of God. Je partage avec vous les profondeurs du cœur de Dieu. A letter from God, a written note from Jehovah to the church. Une lettre écrite par l'Éternel à l'Église. And the note says. La note dit, I am coming. Je reviens. I am coming. Je reviens. I'm coming, says the Lord. Je reviens, dit le Seigneur. There's no better direct communication between the Lord and the church. Il n'y a pas une communication meilleure entre le Seigneur et l'Église. The message is clear. He is coming. Le message est clair. Il revient. That means time is over. Ça veut dire qu'il n'y a plus le temps. But the instruction is this. Mais l'instruction est la suivante. How do we prepare? How can we get ready? Comment devons-nous nous préparer? Comment être prêt? Get rid of yeast in your life. Enlevez les levures dans votre vie. Is it the earrings of the young man? Est-ce que c'est les boucles d'oreilles des jeunes garçons? I don't know what it is. You know what it is. Vous savez c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. Is it the miniskirts of the women? Est-ce que ce sont les jupes courtes des femmes? You cannot even give it out as a gift. Vous pouvez même pas donner ça comme cadeau à quelqu'un. You destroy it. Vous le détruisez. And get rid of the yeast. Et enlevez la levure. And he says. Et il dit. In verse 12. Au verset 12. Revelation 22. Apocalypse 22. And he says, behold, I am coming soon. Au verset 12, il dit, voici, je viens bientôt. My reward is with me. Et ma rétribution est avec moi. And I'll give to everyone according to what he has done. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. You know what you should do? Vous savez ce que vous devez faire? Daniel chapter 12. Daniel chapitre 12. He says, those who are wise, il dit ceux qui sont sages, will shine like the brightness of the heavens. Ils vont briller comme la splendeur du ciel. But those who lead many into righteousness, mais ceux qui vont conduire plusieurs à la justice, they will even be brighter like the stars. Ils vont briller plus fort comme les étoiles. So my question is this. Alors ma question est la suivante. Ever since you received Christ, depuis que vous avez reçu Christ, have you really led people to the righteousness of Christ? Avez-vous conduit les gens à la justice de Dieu? Because I think at times you have left people away from the Lord. Parce que je pense qu'il y a des moments vous avez abandonné les gens loin du Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. I don't have time for this because I have a message for this day. J'ai un message pour aujourd'hui. And then Melchizedek's day. I just need to summarize these two and then I get to the message. Je vais résumer les deux pour rentrer dans le message. He says Melchizedek's day. Il dit le jour du Melchizedek. Is the day of light. C'est le jour de lumière. What a mighty conversation with the Lord. Quelle puissante conversation avec le Seigneur. I did not know. Je ne savais pas. In the second note, I want to summarize the two notes and I get back. Je vais résumer les deux notes. Je parle maintenant de la deuxième note. Melchizedek's day is known as the day of light. Le jour de Melchizedek est connu comme le jour de lumière. I was very surprised. J'étais très surpris. Because I did not know. Parce que je ne savais pas. That, I don't know why I did not think like that. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pensé comme ça. I did not know. Je ne savais pas. That the day of rapture. Que le jour de l'enlèvement. In the kingdom of God, dans le royaume de Dieu, is known as Melchizedek's day. Est connu comme étant le jour de Melchizedek. I was very surprised. J'étais très surpris. I don't know why I was very surprised, but I think I was surprised. Je sais pas comment j'étais très surpris. In heaven, au ciel, the day of rapture, le jour de l'enlèvement, is known as Melchizedek's day. Est connu comme le jour de Melchizedek. And he says, et il dit, that Melchizedek's day, que le jour de Melchizedek, is known as the day of light. Est connu pour le jour de lumière. That tells me the following. Ça me dit le suivant. First of all, premièrement, if you are not well dressed for that day, si tu n'es pas bien habillé pour ce jour-là, you'll find yourself naked. Tu vas te retrouver nu. Number two, deuxièmement, it is meant for the children of light. Ça a été donné pour les enfants de lumière. Number three, numéro trois, right now we are in the dark. Maintenant nous sommes dans les ténèbres. Let me read it. The book of Romans chapter 13, please. Romains chapitre 13. Let me read it, but this is not the message today. I thought I should cover this before I move on. Je sais pas le message, mais je dois couvrir cela avant d'aller plus loin. Romans chapter 13 from verse 11. Romains chapitre 13 à partir du verset 11. Romans 13 from verse 11, precious people. Romains chapitre 13 à partir du verset 11, précieux peuple. Once you are there, say amen. Dès que vous êtes là, dites amen. Because I need to get to the message. Parce que je dois arriver au message. Amen. He says, il dit, and do this understanding the present time. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. The hour has come for you to wake up from your slumber. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Because our salvation is nearer now than when we first believed. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. The night is nearly over. La nuit est avancée. And the day is almost here. Le jour approche. So let us put on the deeds of... Hallelujah. And again, let me repeat that. Let us put aside the deeds of darkness. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. And put on the armor of light. Et revêtons les armes de la lumière. Let us behave decently as in the daytime. Marchons honnêtement comme en plein jour. Not in orgies and drunkenness. Loin des excès et de l'ivrognerie. Not in sexual immorality and debauchery. De la luxure et de l'impudicité. Not in dissension and jealousy. Des querelles et des jalousies. Rather clothe yourselves with Christ Jesus the Messiah. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ. And he says, et il dit, and do not think of how, do not think about how to gratify the desires of the sinful nature. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Melchizedek's day. Le jour de Melchizedek. Is known as the day of light. Est connu comme étant le jour de la lumière. And he's telling us here. Il nous dit ici ceci. That we need to prepare for the day of light. Nous devons nous préparer pour le jour de la lumière. We all know that right now the church is in darkness. Nous savons tous qu'en ce moment l'église est dans les ténèbres. The earth is in the dark. La terre est dans les ténèbres. I saw the clock of Jehovah. J'ai vu l'horloge de Jéhovah. How mighty to say these mighty things here. Comment c'est puissant de dire ces choses puissantes ici. I am saying very mighty things here. J'ai dit des choses très puissantes ici. That I have seen the clock in heaven. Que j'ai vu l'horloge au ciel. It is 1 minute to midnight. C'est 1 minute avant minuit. It is 1 minute to midnight. C'est 1 minute avant minuit. I have seen the clock in heaven. J'ai vu l'horloge au ciel. And he's telling us. Ça nous dit. That if tomorrow, if the new day is the day of light. que demain si c'est un nouveau jour, c'est le jour de la lumière. Then we rather prepare now. Alors nous devons nous préparer maintenant. Many of you, if I look at you today, beaucoup d'entre vous, quand je vous regarde aujourd'hui, you are not wearing the same clothes you were wearing yesterday. Vous ne mettez pas les habits que vous avez mis hier. Those who are here, I see you. Ceux qui étaient ici, je vous vois. You're not wearing the same clothes. Vous ne mettez pas les mêmes habits. That means before this day came. Ça veut dire qu'avant que cette journée arrive, you planned and prepared. Vous avez planifié, vous êtes préparé. And you say tomorrow is Sunday. Vous avez dit demain c'est dimanche. What will I wear? Qu'est-ce que je vais mettre comme habit? And when today came, et quand le jour est arrivé, you are dressed appropriate for Sunday. Tu t'es habillé appropriément comme pour le dimanche. If we can do that in the physical realm, nous pouvons faire ça du côté physique. How much more in the spiritual realm? Combien plus dans les domaines spirituels? We should prepare now. Nous devons nous préparer maintenant. And he says, et il dit, you have clothed yourselves with everything. Vous êtes vêtus de plusieurs choses. Everything under the sun. Plusieurs choses sous le soleil. You have clothed yourself with it. Vous êtes habillé de ces choses-là. But he's saying now. Il dit mais maintenant. Now that the Messiah is about to come in. Maintenant que le Messie doit rentrer, arriver. Let me give you one vision. Laissez-moi vous donner une vision. No, just to make you understand this. Pour vous permettre de comprendre ceci. One time when the Lord was calling me. Et un moment quand le Seigneur m'a appelé, the Holy Spirit brought me to a place. Le Saint-Esprit m'a amené à un endroit. And he made me know from where I was sitting. Il m'a fait comprendre d'où j'étais assis. That any moment the Messiah was going to enter into that room. Que à n'importe quel moment le Seigneur allait rentrer dans cette pièce où j'étais. I remember I panicked. Je me rappelle j'ai paniqué. And I said I'm not ready. Et je dis je ne suis pas prêt. Let me repeat this. Laissez-moi répéter ceci. When the Lord was calling me many years back, plusieurs années passées quand le Seigneur m'a appelé, the Holy Spirit brought me to a room. Le Saint-Esprit m'a amené dans une salle. I could see this. It was a very holy room. C'était une salle très sainte. I may not describe the things there. Je peux pas décrire les choses qui étaient là à l'intérieur. But he made me know any moment the Messiah is going to walk in from there. Mais il m'a fait comprendre qu'à n'importe quel moment le Messie pouvait rentrer dans cette pièce là. I cried. I said, "I'm not ready." J'ai crié. J'ai dit, "Ah, je suis pas prêt." And I woke up. Et je me suis réveillé. Do you know what it means to encounter the Messiah? Savez-vous ce que ça veut dire de rencontrer le Messie? He says, il dit, for many years you have won many things. De plusieurs années, vous avez porté beaucoup de choses. But now, mais maintenant, clothe yourselves with Christ Jesus. Revêtez-vous de Jésus Christ. That means, ça veut dire, cover yourselves with the blood of Jesus. Couvrez-vous par le sang de Jésus Christ. The midnight hour. L'heure de minuit. The children of Israel. Les enfants d'Israël. He told Moses, tell them I'm coming to deliver them. Il a dit à Moïse, dis-leur que je viens pour les délivrer. And if I come, I come at the midnight hour. Et si je viens, je viendrai à l'heure de minuit. But when I come at the midnight hour. Mais quand je vais venir à l'heure de minuit. Tell them. Dites-leur. That nothing else will matter at that hour. Que à cette heure-là, il n'y a rien qui sera plus important. Except that I find them covered with the blood. Seulement que je les trouve couverts du sang. And he said. Et il dit. He said, the blood of the lamb without defect. Le sang de l'agneau sans défaut. The lamb without deformity. L'agneau sans déformation. Without error. Sans erreur. Without mistake. Sans erreur. The perfect lamb. L'agneau parfait. But for us the church. Mais pour nous l'église. John chapter 1:29. Jean 1 verset 29. When he saw Jesus coming. Quand il a vu Jésus venir. He said, behold the lamb of God. Il dit, voici l'agneau de Dieu. That takes away the sins of man. Qui ôte les péchés du monde. Jesus is the perfect lamb of God. Jésus est l'agneau parfait de Dieu. For the church. Pour l'église. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. Has so much power. Beaucoup de puissance. The blood of Jesus is the ultimate sacrifice. Le sang de Jésus, c'est le sacrifice ultime. Jesus will not go back to the cross. Jésus ne va plus retourner à la croix. That sacrifice, when you cover yourself with that blood, si tu te couvres toi-même de ce sang-là, it has power to transform you. Il a la puissance de te transformer. From a child of the world, pour d'un fils du monde, to a child of the Lord, à un fils du Seigneur. From a child of darkness, d'un fils de ténèbres, to a child of light, à un fils de lumière. So please, don't say amen to me. Non, ne dis pas amen à moi. Until you tell me that the blood has really transformed. Jusqu'à ce que tu dis que le sang t'a réellement transformé. Because there will not be a second sacrifice. Parce qu'il y aura pas un deuxième sacrifice. But Melchizedek's day is the day of light. Mais le jour de Melchizedek c'est le jour de lumière. He said, "Let us wear the armor of light." Il dit, revêtons-nous de la lumière, de l'armée de lumière. But I know something else about Melchizedek. Mais je connais quelque chose d'autre sur Melchizedek. He is the king of Salem. Il est le roi de Salem. The king of peace. Le roi de paix. What does that mean? Qu'est-ce que cela veut dire? The Lord is saying. Le Seigneur dit. That look. Regarde. Melchizedek brings reconciliation between you and the Lord. Melchizedek amène la réconciliation entre toi et le Seigneur. That you be totally reconciled with the Lord. Afin que tu sois totalement réconcilié avec le Père. And be in the peace of the Messiah. Et vivre dans la paix du Messie. But listen to this. Mais écoutez ceci. Are you reconciled with the Lord? Êtes-vous réconcilié avec le Seigneur? Melchizedek is also the king of righteousness. Melchizedek est aussi le roi de justice. So the Lord is saying. Le Seigneur dit. Are you part of the kingdom of righteousness? Faites-vous partie du royaume de justice? Melchizedek's day. Le jour de Melchizedek. It is not the church's day. Pas le jour de l'église. Yes, thank you. It's not the day for the church. C'est pas le jour pour l'église. Melchizedek's day. Le jour de Melchizedek. Is known as the day of light. Est connu comme jour de lumière. We have to conform to his day. Nous devons nous conformer à son jour. He died on the cross. Il est mort à la croix. And suffered. Il a souffert. And was abused. Il a été abusé. There was no law to protect the Messiah. Il n'y avait pas de loi pour protéger le Messie. In Canada, you cannot start beating a dog here now. Au Canada, tu n'as pas le droit de commencer à frapper un chien dehors. They will arrest you. On va t'arrêter. Because there are laws protecting dogs. Parce qu'il y a des lois qui protègent des chiens. But there was no law to protect the Messiah. Mais il n'y avait pas de loi pour protéger le Messie. Do you understand why heaven is waiting for this day? Vous voyez pourquoi le ciel attend ce jour? Because the Messiah was abused. Parce que le Messie était abusé. And they're waiting for the fruit of the cross. Mais ils attendent le fruit de la croix. You listen to me, precious people. Écoutez-moi, précieux peuple. Before I start the message. Avant que je commence le message. Your salvation is not in vain. Votre salut n'est pas en vain. Your salvation is very, very critical for Jesus. Votre salut est très important pour Jésus. Because if you will not enter. Parce que si vous n'entrez pas. Jesus will be ashamed. Jésus sera mis en honte encore une fois. Very good. Ashamed again. Il sera commis en honte une autre fois. So don't play with your salvation. Make sure you walk right with your salvation. Ne jouez pas avec votre salut. Marchez droitement avec votre salut. Protect your salvation. Protégez votre salut. Uphold righteousness. Et saisissez la droiture de Dieu. Anyway. So now I want to talk a little bit about the war coming to Iran. Je vais parler un peu sur la guerre qui vient en Iran. But before that I want to finish yesterday's fifth seal, fourth and fifth seal. Maintenant je vais finir le message du quatrième et du cinquième sceau. And so you can see how close we are. Pour que vous voyez où nous sommes proches de l'événement. I'm trying to give you everything that I have from the Lord. J'essaie de vous donner tout ce que j'ai de la part du Seigneur. So yesterday we talked about the breaking of the third seal. Hier nous avons parlé du brisement du troisième sceau. And you see of all the four horsemen of the apocalypse. Et vous voyez que les quatre chevaux de l'apocalypse. That have been going all over the earth prophesying. Où je suis allé dans le monde entier en train de prophétiser. As they get fulfilled. Ils sont en train d'être accomplis. We saw very clearly. Nous avons vu clairement that the four horsemen, the Lord sent me to prophesy the four horsemen. Le Seigneur m'a envoyé pour prophétiser sur les quatre chevaux. And we see that that was actually the prophecy he gave on the Mount of Olives. Et nous avons vu que ça c'était la prophétie donnée sur le mont des Oliviers.